Troisième partie, chapitre 17 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales, troisième partie, chapitre 17, de l'amitié en général et de ses mauvaises espèces. L'amour tient le premier rang entre les passions. Il règne dans le cœur et en conduit tous les mouvements. Il se les rend propres et comme naturels, en leur faisant prendre ses impressions. Il nous rend nous-mêmes semblables à ce que nous aimons. Défendez donc bien votre cœur, Philothée, de tout mauvais amour, car il deviendrait aussitôt un méchant cœur. Or, le plus dangereux de tous les amours, c'est l'amitié, parce que les autres amours peuvent absolument subsister sans aucune communication, et que l'amitié est essentiellement fondée sur le commerce de deux personnes, dont il est presque impossible que les bonnes ou les mauvaises qualités ne passent de l'un à l'autre. Tout amour n'est pas amitié, puisque l'on peut aimer sans être aimé, et alors il y a de l'amour, et il n'y a pas d'amitié, car l'amitié est un amour mutuel, et s'il n'est pas mutuel, ce n'est pas amitié. Il ne suffit pas encore qu'il soit mutuel, il est nécessaire que les personnes qui s'aiment connaissent leur affection réciproque, d'autant que si elles l'ignorent, elles auront de l'amour, mais non pas de l'amitié. Il faut en troisième lieu qu'il y ait entre elles quelque communication, laquelle soit tout ensemble le fondement et l'entretien de leur amitié. La diversité des communications fonde la diversité des amitiés, et ces différentes communications prennent leur différence de celles des biens que l'on peut se communiquer mutuellement. Si donc ces biens sont faux et vains, l'amitié est fausse et vaine. Si ce sont de vrais biens, l'amitié est véritable. Ainsi, son excellence croît toujours à proportion de celle des biens que l'on se communique, comme le meilleur miel est celui que les abeilles vont prendre sur les fleurs les plus exquises. Mais il y a une sorte de miel à Héraclée, ville du royaume de Pont, qui est un poison si dangereux que ceux qui en mangent deviennent insensés, parce que les abeilles vont les cueillir sur l'aconite, qui vient abondamment en cette région-là. Et c'est un symbole de cette fausse et mauvaise amitié qui est fondée sur la communication des biens faux et favorables aux vices. La communication des voluptés naturelles n'étant qu'une propension sympathique et tout animale des deux sexes, elle ne peut non plus fonder une amitié dans la société humaine qu'entre les bêtes. Et s'il n'y avait rien de plus dans l'état du mariage, il n'y aurait nulle amitié. Mais parce qu'il s'y trouve une parfaite communication de vie et de biens, d'affection et de secours réciproques, et surtout d'une fidélité dont les liens sont indissolubles, il s'y trouve aussi une véritable et sainte amitié. Celle qui est établie sur la communication des plaisirs sensuels ou de certaines perfections vaines et frivoles est encore si grossière qu'elle ne mérite pas le nom d'amitié. J'appelle plaisirs sensuels ceux qui sont immédiatement et principalement attachés aux sens extérieurs, comme le plaisir naturel de voir une belle personne, d'entendre une douce voix, d'avoir une conversation tendre et tout autre plaisir semblable. J'appelle perfection vaine et frivole certaines habiletés ou qualités, soit naturelles, soit acquises, que les faibles esprits prennent pour de grandes perfections. En effet, combien de filles, de femmes, de jeunes gens diront sérieusement « En vérité, monsieur un tel a beaucoup de mérite, car il danse bien, il joue en perfection toutes sortes de jeux, il chante avec beaucoup d'agrément, il a un génie tout particulier pour la propreté et les ajustements, il a toujours un bon air, la conversation en est douce et enjouée. » Quel jugement, Philothée ! C'est ainsi que les charlatans jugent entre eux, que les grands bouffons sont les hommes les plus parfaits. Or, comme tout cela regarde les sens, les amitiés qui en proviennent s'appellent sensuelles et méritent plutôt le nom de vain amusement que d'amitié. Ce sont ordinairement les amitiés des jeunes gens qui se prennent par un extérieur fort superficiel, ou d'une badine conversation, ou d'une certaine bonne grâce encore plus affectée que naturelle. Amitié digne de l'âge des amis ou des amants, qui n'ont encore ni aucune vertu établie, ni même la raison formée. Aussi, telles amitiés ne sont que passagères, et fondent comme la neige au soleil. Fin du chapitre 17, troisième partie.